Bonjour à tous. Alors, je voudrais dire tout d'abord le plaisir que j'ai à prendre ici la parole. 8 ans exactement après le colloque Le Prince et la musique, les passions musicales de Louis XIV, organisé en 2007 par Béatrix Saul et Jean Duron, et dont les actes ont paru dans un ouvrage qui a fait date et qui a été immédiatement salué par l'obtention du prix des Muses. Notre colloque s'inscrit dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV, célébré en ce moment par la magnifique exposition Le roi est mort, dont Béatrix Saul et Gérard Sabatier sont les commissaires et dont la scénographie est signée Pierre Luigi Pizzi. Alors nous tenons avant toute chose à vous remercier tous très chaleureusement pour votre présence ici ce matin. Toute notre reconnaissance va également au centre de recherche du château de Versailles, qui, sous la conduite de Mathieu Davinia, a organisé cette manifestation avec maestria. Et nous saluons également le Centre d'études supérieures de la Renaissance, unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Tours, qui a contribué à sa réalisation. Un dernier remerciement pour Olivier Schnebeli, Fabien Armengaud et l'ensemble de la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles pour avoir consacré le premier jeudi musical de la saison qui aura lieu ce soir à 17h30 dans la Galerie des Batailles, un concert qui entrera en résonance avec notre manifestation. Alors, entrons dès à présent dans le vif du sujet. Nous partirons d'une image. Celle de la route de Paris à Versailles dans les dernières années du règne, que l'historien Jean-François Solnon, se fondant sur les témoignages des contemporains, nous invite à nous représenter aux petites heures du matin, lorsque la route n'était qu'un long défilé de carrosses, ramenant les courtisans à la cour après une soirée parisienne. Les historiens s'accordent en effet à associer l'établissement définitif de la cour à Versailles en 1682 à un tournant dans le règne de Louis XIV. Progressivement, la vie artistique de la cour déclina au profit d'autres espaces, essentiellement à la ville et dans ses périphéries, dans les cours princières, maintenues en Île-de-France par exemple, mais également à Paris, où concerts privés et représentations de théâtres de société se multiplièrent dans des assemblées ouvertes aux tendances artistiques les plus novatrices. De nouvelles sociabilités émergèrent. Alors on précisera d'emblée qu'on entend ici sociabilité dans un sens restrictif, pour désigner des formes de rencontres volontaires, répétées et institutionnalisées, ne serait-ce qu'à un degré très faible, pour reprendre la définition utilisée par Christophe Charles dans son ouvrage Le temps des capitales culturelles. De nouvelles opportunités dans ce contexte furent offertes aux artistes. Donc on peut dès lors se demander si le monopole artistique exercé par le roi a de fait véritablement disparu ou s'il faut relativiser cette façon de voir. Si le processus ainsi décrit correspond bien à la réalité historique et n'est pas une simple erreur d'interprétation, comment décrire la manière dont se mit en place quelque chose d'autre? Nous avons donc déplacé l'objectif de l'étude de la cour à celle des foyers situés à Paris, en Île-de-France et à proximité de la cour, dans la ville de Versailles même. Il faudrait sans doute étendre ensuite l'enquête aux provinces, mais ce serait l'objet d'une autre manifestation. Et précisons également que nous avons exclu de notre enquête les couvents et les monastères, dont certains avaient pourtant une renommée mondaine, que l'on songe par exemple au couvent de l'Assomption à Paris ou à celui de l'Abbaye aux Bois dans le quartier du Luxembourg. Même si les dates que nous avons retenues n'offrent rien de rigide ni d'exclusif, la période d'observation que nous avons choisie couvre 27 années. De l'installation définitive de la cour à Versailles à la mort de Louis XIV. L'étude commence donc en 1682 avec cette révolution que constitue l'adoption par la cour d'un lieu fixe et l'abandon partiel de l'itinérance, processus qui entraîna la multiplication des résidences satellites autour du domaine versaillais. Elle s'arrête en 1715, à l'aube de la Régence, une façon pour nous de centrer davantage l'intérêt sur la période de transformation que sur celle d'aboutissement. Du point de vue de l'histoire politique, l'état de la recherche sur cette période se traduit par un déséquilibre entre la période de gloire du roi Soleil, en gros de 1661 à 1685, qui fit couler beaucoup d'encre, et la période suivante, qui suscita un intérêt moindre de la part des historiens, exception faite de certains domaines comme l'histoire des guerres, avec notamment la guerre de succession d'Espagne, qui entraîna une crise générale entre 1701 et 1713, celle des affaires étrangères et celle du fait religieux. Lorsque les historiens du politique se concentrèrent sur le début du XVIIIe siècle, ce fut essentiellement pour dresser un bilan du règne et faire le point sur la situation du royaume en 1714-1715. Du point de vue des arts du spectacle, donc que nous entendons ici davantage comme un champ de confrontation disciplinaire que comme une discipline constituée, il faut au contraire souligner le dynamisme avec lequel les chercheurs se sont intéressés à la période. Musicologues et historiens de la musique se sont emparés avec vigueur des années qui suivirent la disparition de plusieurs figures majeures du monde musical. Dumont en 1684, Lully en 86 ou encore Quino en 88. Des études monographiques sur des compositeurs de l'époque ont vu le jour, par exemple les récents ouvrages dirigés par Jean Duron et par Catherine Sessac, ouvrage consacré à André Campra. L'analyse des œuvres s'est poursuivie, par exemple avec la série d'études que Greer Garden a consacrée entre 1991 et 1998 à l'œuvre de Campra. Des études de cercles spécifiques ont été publiées, comme l'ouvrage paru en 2003 de Catherine Sessac, encore elle, et de Manuel Couvreur, La Duchesse du Maine, 1676-1753, une mécène à la croisée des arts et des siècles. Enfin, d'autres ont analysé le mécénat, entendu comme une relation d'intérêt partagé, où la part belle est faite aux figures de la cour étroitement liées au monde des arts. Nous renvoyons ici au travail de Thomas Vernet sur la princesse de Conti, ou à celui sur la duchesse de Bourgogne, orchestré par Fabrice Préyat, où se distingue tout particulièrement dans notre perspective la contribution de Jean-Philippe Goujon. Les chercheurs d'outre-Atlantique ont particulièrement réussi à mettre en lumière le rôle que jouèrent les arts du spectacle autour de 1700 dans l'opposition à la propagande monarchique, qu'il s'agisse de Georgia Cowart, dont l'ouvrage « The Triumph of Pleasures, Louis XIV and the Politics of Spectacle » paru en 2008 a fait date, ou de Don Fader, soucieux de repérer les stratégies de contestation sous-jacentes à l'œuvre dans l'entourage du dauphin. En France, il faut mentionner l'ouvrage d'envergure de David Henbel, de Lully à Mozart, Aristocratie, musique et musiciens à Paris, 17e-18e siècle, paru en 2009, lequel propose une exploration aux frontières de l'histoire sociale et de la musicologie, poussant les portes des demeures de la noblesse parisienne et éclairant les mécanismes de la protection aristocratique à l'égard des musiciens. Tous les auteurs cités repèrent dès la fin des années 1680 des fissures dans l'unité de façade qu'affiche la cour et un désir d'émancipation par rapport au modèle royal, un souhait que Thierry Favier résume dans son ouvrage « Le motet à grand cœur », dans lequel il souligne l'abandon progressif d'une conception pyramidale de la culture, où la cour, garante du bon goût, accaparait les talents et projetait sur l'ensemble de la société le modèle idéal du divertissement musical. De l'ensemble de ces travaux se dégage une première représentation spatiale des foyers de mécénat, que le programme de recherche Mercure Galant, qui sera évoqué vendredi matin par Anne Piéjus et Nathalie Berton, devrait encore enrichir. Les autres disciplines des arts du spectacle ne sont pas en reste. Du point de vue de l'histoire du théâtre, c'est l'ouvrage de Guy Spillman, Le jeu de l'ordre et du chaos, comédie et pouvoir à la fin de règne, 1673-1715, paru en 2002, qui a marqué l'intérêt des recherches en art du spectacle pour cette période, recherche jusque-là centrée sur les années 1655-1675. Frappé par l'effervescence de la création théâtrale, l'auteur y révise l'idée selon laquelle la fin du règne aurait été marquée par une décadence et montre comment, partout et constamment, se posait la question du pouvoir sur fond d'instabilité et de désordre structurel. Les spécialistes du théâtre de société ont également apporté leur contribution, à commencer par David Trott, disparu en 2005 et qui fit figure de pionnier, et plus récemment, Marie-Emmanuelle Planiol-Dieval et Dominique Quérault, dont l'ouvrage collectif publié en 2005 « Les théâtres de société au XVIIIe siècle », qui débute d'ailleurs avec la Cour de Sceaux, réfléchit au lieu et au rapport de ce corpus de théâtre avec la société. L'analyse de ce théâtre non officiel est allée de pair avec une étude de la parodie théâtrale et de son contexte d'émergence, par l'intermédiaire des travaux du groupe de travail autour de Françoise Rublin et des recherches de Judith Leblanc, récemment matérialisée dans son ouvrage « Avatar d'opéra, parodie et circulation des airs chantés sur les scènes parisiennes ». En histoire de la danse, le livre de Nathalie Lecomte, qui d'ailleurs nous fait l'amitié d'être là ce matin, « Entre cour et jardin d'illusion, le ballet en Europe », 1515-1715, ouvrage qui vient de recevoir le prix du XVIIe siècle, marque une étape importante pour l'étude des foyers, puisque pour comprendre le moment de la performance et sa raison d'être, l'auteur prend en compte les cadres institutionnels, sociaux, économiques, culturels et politiques qui rendent possible l'organisation du spectacle et son déroulement. À l'activité foisonnante des chercheurs correspond un engouement réel des interprètes et du public pour le répertoire musical et théâtral de la période qui nous intéresse. Engouement qu'atteste la multiplication des enregistrements discographiques d'œuvres issues de cette période. Les institutions consacrent leur saison aux figures majeures de l'époque, que l'on songe par exemple au Centre de musique baroque de Versailles, qui a organisé en 2010 les Grandes Journées Campra. Depuis quelques années, les représentations parodiques des théâtres de la foire sont accueillies à l'Opéra Comique, lequel réfléchit ainsi sur les années qui ont immédiatement précédé sa création en 1715. D'autres disciplines ont apporté leur pierre à l'édifice, qu'il s'agisse des historiens d'art, dont le regard sur les cadres matériels et sociaux de la création artistique nous est précieux, ou des spécialistes de la littérature, tel Emmanuel Bury, qui ont étudié les espaces de la civilité ou qui se sont intéressés à la fête aristocratique et plus particulièrement galante, une notion dont Alain Viala a montré l'éventail de significations profondes. Des disciplines moins attendues ont jeté sur le dossier qui nous occupe un éclairage nouveau. C'est le cas notamment de l'histoire urbaine, qui a mis au cœur de la réflexion la question du lieu, ou plutôt des lieux, et celle du territoire. Nous renvoyons ici aux travaux de Laurent Lemarchand, ou encore de l'histoire de l'architecture. Pour la ville de Versailles, un ouvrage a joué un rôle important dans notre réflexion, Lecture d'une ville, Versailles, ouvrage édité en 1980 par des architectes et des urbanistes Jean Castex, Patrick Céleste et Philippe Panneret. Soulignons enfin l'entrée en jeu récente de notions nouvelles, par le biais de l'histoire culturelle et sociale, telles que celle de pôle, de centre, de capitale culturelle ou encore de circulation. Les travaux d'Antoine Lilti et de Stéphane Van Damme, notamment ceux qui regardent la sociabilité culturelle des capitales à l'âge moderne, nous intéressent en ce qu'ils sont animés par le souhait de comprendre la dynamique du passage de la culture de cour ou d'élite à une culture de plus en plus largement partagée et pratiquée. Donc après ce bref survol de l'historiographie récente, je passe la parole à Rémi Campos, qui va proposer une analyse des notions qui seront discutées dans le cadre de ce colloque. Merci. La notion de foyer nous a semblé la plus riche, étant donné l'objet qui nous intéressait. Elle est loin d'être neuve, et en particulier en histoire de l'art, où elle a servi de longue date pour analyser des groupements artistiques, en appoint de notions plus fréquemment employées comme celles d'école ou de mouvement. Le contexte d'usage le plus fréquent de la notion de foyer était celui des expositions à destination du grand public. Le mot foyer, placé dans le titre, frappait les esprits et sans doute valorisait le lieu mis en exergue. La notion était toutefois rarement définie avec précision, les auteurs s'appuyant sur le sens commun plutôt que sur quelques références théoriques que ce soit. Parmi les rares cas d'approfondissement récents, citons l'article de Philippe Lorenz, placé en tête du catalogue Strasbourg 1400, un foyer d'art dans l'Europe gothique, qui était paru en 2008 au moment d'une exposition. Bien qu'il ne donne jamais une définition explicite de la notion de foyer, l'auteur discute en revanche les difficultés que soulève son usage. J'en résumerai deux questions. Pourquoi se focaliser sur une ville à une époque où la dimension régionale, en l'occurrence celle du Rhin supérieur, est plus pertinente pour les lieux de production artistique que la seule ville de Strasbourg? Et, question liée, à une époque où le gothique est plus souvent qualifié d'international que de municipal. Autre question que soulève cet emploi de la notion de foyer, qu'est-ce qu'une aire artistique ? Que les historiens définissent tantôt par des critères géographiques, tantôt historiques, tantôt religieux, tantôt linguistiques ou encore artistiques. En substance, chez les historiens, la notion de foyer pose les questions liées de l'échelle d'observation et du découpage des espaces concernés, puisque cette notion de foyer elle-même ne tranche pas ses aspects. Le terme peut aussi bien désigner un modeste palais aristocratique qu'une région tout entière. Les contemporains étaient-ils plus précis pour nommer les lieux et les pratiques artistiques qui nous occuperont pendant 3 jours? Les mots d'époque désignent tantôt l'espace du regroupement, c'est le cas de la ruelle, tantôt l'échelle de la manifestation, pour les mots assemblée, compagnie ou société, tantôt le motif, en l'occurrence un goût partagé, qui rassemble les personnes, c'est le cas des mots compagnie ou société, tantôt la qualité ou l'absence de qualité des participants, qu'il s'agisse des termes d'assemblée ou de public. La ruelle a été bien étudiée par les spécialistes de la conversation et des sociabilités d'Ancien Régime. Le mot ruelle est en crise à la fin du siècle et n'est généralement plus employé qu'avec une connotation péjorative. Il n'est pas remplacé par d'autres qui évoqueraient, comme le faisait Ruel, l'espace matériel qui informait les pratiques mondaines. Parmi les mots suggérant une réunion de personnes, les termes désignant l'attraction l'emportent de loin sur ceux indiquant le rayonnement, ainsi du mot d'assemblée qui entend le déplacement, comme le fait de se rendre dans un lieu particulier, comme attiré par un objet digne d'intérêt. Ainsi aussi de deux termes qui se recouvrent partiellement, celui de compagnie et celui de société, qui servent à exprimer la communauté de dessin de ceux qui se retrouvent ensemble. Quant à la notion de foyer, sur laquelle nous avons jeté notre dévolu, le dictionnaire de Furtière la définit comme suit. L'astre de la cheminée d'une chambre où on fait le feu, autre élément de définition, se prend quelquefois pour la maison. On appelle aussi foyer dans les miroirs ardents le point brûlant où se rassemblent les rayons, soit par réflexion, soit par réfraction à travers un verre de lunettes, quand il est taillé en sorte que les rayons soient convergents. En termes de médecine, on appelle foyer le lieu où on croit qu'est le principe et le levain de la fièvre. C'est pour la richesse de ces significations et connotations que nous avons choisi pour titre de ce colloque le mot foyer. Vous l'avez entendu dans la définition de Furtière, il y a à la fois potentiellement une métonymie, le foyer servant à désigner la maison. Le foyer, c'est aussi un lieu actif, à la fois le point de concentration et le moteur implicite, si je reprends une paraphrase Furtière, en raison de la différence de température, le lieu brûlant rayonne ou provoque un déplacement. Et c'est enfin le lieu du principe, là où s'explique la chose, le point où la cause s'observe le plus facilement car elle est débarrassée de toutes ses scories. À la différence des mots que nous avons précédemment évoqués, le foyer permet de désigner à la fois ce qui rassemble et ce qui se diffuse, mais aussi l'espace physique, si on recourt à la métonymie, autant que les raisons du phénomène. Du lexique abrégé que nous avons constitué, nous pouvons tirer quelques éléments clés permettant de mettre des mots sur la profusion d'activités qui se développent aux marges ou loin de la cour à la fin du règne de Louis XIV. Pendant la période traitée dans ce colloque, il n'existe plus de terme équivalent, je l'ai dit, à celui de ruelle, qui avait l'avantage d'associer un espace concret et un type de pratique. Même le mot foyer n'est pas aussi précis, puisque lorsqu'il désigne une maison, c'est au second degré. Par ailleurs, nous avons vu que la polysémie du mot foyer permettait de le hisser au rang de notion analytique, puisqu'il permettait de passer du particulier au général. Ajoutons que la prépondérance que nous proposons de donner au terme foyer ne doit pas nous interdire d'employer d'autres termes pour décrire des situations et des usages que nous allons aborder. Avant de proposer une définition opératoire du terme foyer, que je prononcerai même si elle a été élaborée à deux, il nous faut revenir aux outils d'aujourd'hui. Nous avions vu que les historiens ont employé la notion tout en négligeant son élaboration théorique. Il n'en va pas de même, il me semble, des géographes qui, parce qu'ils sont habitués à décrire tout ce qui relève de la concentration des hommes dans l'espace, ont au contraire proposé des définitions très solides du terme. J'en prendrai une en exemple, emprunté à un dictionnaire classique qui s'appelait « Les mots de la géographie » qui était paru en 92. À propos du foyer, donc, il était dit « Le centre, la ville qui rayonne, cœur d'un système. » Deuxième élément de définition, « Un lieu d'innovation autour duquel s'organise la diffusion. » Un foyer de civilisation, un foyer pathogène. Le mot évoque à la fois la convergence des regards et la divergence des effets. Troisième élément de définition, lieu d'habitation d'une famille, d'une maisonnée. Ainsi défini, le foyer est un espace domestique, mais il est surtout un espace productif et un espace productif central, le lieu où s'élaborent des créations nouvelles, appelées à essaimer. Le foyer est donc en prise avec les flux, en tant que commutateur qui organise à la fois les convergences et les divergences. Le foyer est aussi, et c'est un élément extrêmement important, un lieu ordonné dans le temps. C'est le lieu du commencement. Et par rapport au lexique ancien dont nous étions partis, on s'aperçoit ici que la dimension temporelle de la notion de foyer est essentielle. À la hiérarchie des positions et des fonctions que peut désigner le foyer, c'est donc ajouter la hiérarchie des successions. Alors si nous proposons à 80 une définition de la notion de foyer, il nous semble qu'il faut commencer par dire que son intérêt est qu'elle noue à la fois le champ domestique, l'attention au mode de propagation et la mesure des effets de la concentration. On a vu qu'une géographie plus contemporaine l'avait enrichie d'une dimension historique et l'avait assimilée à un système de relations polarisées. Ainsi, la notion de foyer permet de prendre en compte des processus sociaux en postulant que leur localisation a une incidence très forte sur les pratiques. En outre, la notion de foyer permet d'interroger les différences au sein d'un même espace. C'est le cas classique des inégalités entre centre et périphérie. Qu'est-ce qui caractérise la notion de foyer artistique pendant la période que nous allons aborder ? Pour que l'on puisse parler de foyer artistique, il faut qu'il y ait une assemblée issue des élites de la haute bourgeoisie, de la noblesse, voire de la famille royale elle-même, Anne-Madeleine l'évoquait à l'instant. Assemblée qui inclut des artistes et qui s'adonne à des pratiques artistiques régulières. Ce mode de réunion, institution plus ou moins formalisée, comme le disait Anne-Madeleine, n'est pas forcément fixée en un lieu unique. Elle suit généralement l'itinérance liée à la vie des élites, puisque le modèle de base qui associe un hôtel particulier à la ville et une maison de campagne existe, mais les lieux sont parfois plus nombreux, puisque peuvent s'y ajouter un appartement à Versailles ou d'autres maisons de plaisance. Par ailleurs, un foyer est donc un espace productif, ce qui suppose une aire de rayonnement, où se concentrent les talents, les opinions, les discours. Et il est aussi un centre de diffusion dont l'innovation peut être un moteur important. Il importe aussi, lorsqu'on emploie la notion de foyer, de ne pas négliger l'aspect dynamique des relations que les foyers entretiennent entre eux. Elles sont faites de rivalités, d'influences réciproques ou univoques, de polarités plus ou moins affirmées. Nous n'avons pas exclu non plus l'acception métaphorique du terme foyer qui se passe parfois d'un lieu physique, dans le cas des foyers intellectuels, voire des foyers imaginaires, il en sera question dans les jours qui viennent. Enfin, si le terme foyer a été mis en vedette dans le titre du colloque, il ne doit pas en exclure d'autres. Tout l'intérêt nous semble même d'élaborer un ensemble de notions articulées en procédant par aller-retour entre le lexique ancien et des outils d'analyse plus contemporains. Voilà. Donc en préparant ce colloque, nous avons constaté que la notion de foyer est susceptible de faire émerger des objets d'études qui relèvent généralement de cadres disciplinaires distincts. Donc avoir recours à cette notion, c'est faire travailler ensemble des disciplines aussi différentes que l'histoire de la musique, les arts du spectacle, l'histoire de l'art, la sociologie et l'histoire économique. Et c'est aussi tenir compte des approches disciplinaires qui leur sont liées. Donc notre colloque a cherché à assembler des spécialistes de ces diverses disciplines et à établir des notions, des instruments et des objectifs communs, ce qui a entraîné plusieurs conséquences sur la façon même de concevoir l'armature du colloque. Donc il apparaît d'abord nécessaire de poursuivre l'étude des réalités locales en étudiant la répartition spatiale des foyers et leur plus ou moins grande proximité avec la cour, puis en étudiant chaque milieu afin d'en comprendre le fonctionnement concret. Il était dès lors inévitable d'opérer un choix parmi les foyers étudiés, et d'aucuns dénonceront l'absence criante, par exemple, du milieu du Temple, associé au Vendôme, de celui de Chantilly, inséparable du nom des Condés, ou, plus proche de Paris, de celui du château de Berny, à Fresnes, propriété duc de Lyonne, puis, pour les années qui nous intéressent, demeure du cardinal de Fürstenberg. Deuxième conséquence, à cette typologie des lieux, nous souhaitons adjoindre une typologie des pratiques artistiques. Or, en mettant comme nous le faisons l'accent sur le lieu, il apparaît difficile, voire erroné, de dissocier les arts. Aussi avons-nous décidé d'englober dans une même réflexion les pratiques artistiques liées aux différents lieux. Ces pratiques faisaient intervenir la musique et des formes spectaculaires telles que le théâtre ou la danse, qui toutes développaient des sociabilités prégnantes qu'il est difficile d'étudier de façon autonome. Donc il ne s'agira pas d'oblitérer les différences majeures entre les arts, mais d'analyser comment ces arts s'inséraient dans un dispositif commun, à la fois culturel, politique et économique. Et ces interrogations s'accompagneront d'une réflexion sur le mécénat et ses divers modèles, ainsi que sur son incidence sur les formes et les contenus de la création artistique. Troisième conséquence, on devrait parvenir à distinguer plus finement les ensembles sociaux qui constituent les élites et qui forment ces foyers, et notamment à repérer leurs composantes bourgeoises et aristocratiques. Ces groupes artistiques étaient-ils des mondes séparés ou entretenaient-ils des relations, auquel cas il deviendrait possible d'identifier des réseaux, pour utiliser un terme moderne que nous définirons à minima, en disant qu'il s'agit d'un ensemble de personnes en liaison entre elles, directement ou indirectement. Auditeurs, spectateurs et artistes étaient-ils susceptibles de passer d'un foyer à l'autre ? Ces foyers étaient-ils unis par une culture commune ? Et si ce n'est pas le cas, peut-on repérer une territorialisation du goût, laquelle nous autoriserait alors à parler en termes de polarité, Paris apparaissant comme le pôle dynamique de la création artistique. Ce faisceau de questions devrait entraîner une réflexion sur le modèle versaillais. Si la cour, loin d'imposer une norme impérative, autorisait le développement, certes sur le mode mineur, d'autres formes culturelles, on cherchera à savoir qui produisait les normes du goût nouveau, qui en construisait la valeur au sens esthétique et au sens économique du terme. Quatrième et dernière conséquence, même si notre perspective est celle d'une histoire des pratiques artistiques qui cherche à intégrer la musique et le théâtre aux analyses sur le goût et sur les publics, nous ne voulons pas perdre de vue les réalités et les déterminations économiques. Il s'agit d'avoir une idée précise du coût d'un musicien, du montant de ses cachets et de ses revenus, des sommes dépensées par les mécènes ou les institutions. Et plus largement, il faudrait réussir à déterminer si la croissance économique et urbaine était alors suffisamment forte pour permettre l'épanouissement d'une vie spectaculaire non officielle. Donc la journée d'aujourd'hui sera consacrée au recensement et à l'étude d'un certain nombre de foyers. Demain, nous nous attacherons à la chaîne d'acteurs qui animaient ces assemblées et nous tenterons de cerner leurs pratiques. Et lors de la dernière demi-journée, la réflexion sera davantage centrée sur la notion de foyer elle-même, afin de déterminer dans quelle mesure elle apparaît particulièrement opérante pour étudier les évolutions du goût sur une période donnée.